perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, Marlon. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter? Mon merle a perdu son cou. Mon merle a perdu son cou. Un coup, deux coups, trois coups, Marlon. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter? Mon merle a perdu ses pattes. Mon merle a perdu ses pattes. Une patte, deux pattes, trois pattes, Marlon. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter? Mon merle a perdu ses ailes. Mon merle a perdu ses ailes. Une aile, deux ailes, trois ailes, Marlon. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter?